Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. You out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. Nous allons parler de jeux aujourd'hui, en fin de compte. C'est le sujet principal de Puissance Maximale. Et Puissance Maximale, c'est également un site internet. Vous le retrouvez au www.puissancemaximale.com. Et sur ce site, vous retrouvez quelques nouvelles, nos adresses courriels, nos noms. Vous voulez nous envoyer des commentaires comme vous le faites à chaque semaine, bien, ça nous fait plaisir de vous lire et on est toujours très réceptifs à vos commentaires. Et si vous voulez commenter l'émission d'aujourd'hui live, bien, vous n'avez qu'à ajouter François G. Couillard à vos amis sur Facebook. Et François est en ligne sur le chat et nous allons le rejoindre immédiatement. Il est à la console. Salut Vincent Landois. Salut François. Alors, bien, content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a une émission très chargée parce qu'on a deux autres membres de la Puissance Maximale avec nous aujourd'hui et ils vont venir nous parler encore une fois de jeux et même de lectures reliées à la culture japonaise. Nous avons Andrew Castegan qui est avec nous. Salut Vincent. Salut Andrew. Andrew, on va en parler tout à l'heure. C'est presque une veille de rêve qui arrive aujourd'hui en ce 18 avril, bien oui. Rêve qui va se concrétiser demain avec l'achat de qui est déjà fait en fin de compte, qui est déjà précommandé, mais d'un jeu qu'Andrew attend avec impatience. Je le nommerai pas. Je sais déjà que vous avez un titre en tête, mais je le nommerai pas. On va en parler tout à l'heure. On va commencer par parler d'un autre jeu que j'ai eu le temps d'essayer. Ouais, de quoi vas-tu parler? Dynasty Warriors 7. Donc, on va aller dans le temps des Trois Royaumes en Chine. Excellent. Et nous avons Michael Michaud avec nous également aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut Michael. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de lecture, de ta passion du manga. Eh oui. Par une série que tu as découverte il y a quelques... Ah, ça fait quand même un bon petit oui. bout. C'est devenu une de mes bibles, en fait, dans le manga historique. Ça s'appelle Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, un manga en 6 volumes. Je vous parle de ça tantôt. Excellent. Puis on va faire un petit débat au cours de l'émission également pour parler de précommande de jeux. Justement, ça nous a amené à parler de ça, ce que Andrew a fait dans les dernières semaines et ce que d'autres personnes font également ici autour de la table de temps en temps. Mais on va débuter l'émission, comme on le fait d'habitude, avec une petite chanson. On va mettre une pièce en hommage à Mortal Kombat. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette pièce-là, les gars? Écoute, c'est la musique qui est venue avec le premier film, je crois, mais c'est une reprise du groupe très populaire Power Glove, donc en reprise un peu power metal du thème de Mortal Kombat. Oui, on en a passé beaucoup de Power Glove et la pièce s'intitule Metal Combat for the Mortal Man. Vous êtes à puissance maximale. Nous sommes de retour sur les ondes de CKIA et c'est maintenant temps de parler avec Andrew Castagan qui a joué à Dynasty Warriors. 7. 7, parce exactement. Que bien sûr, là, c'est le chiffre chanceux. Ben, en fait, un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On parle d'une semaine ou deux à peu près sur Xbox 360 et PS3, jeu édité par Koei, compagnie qui fait des excellents on fonce dans le tas et on tue tout qu'est-ce qui bouge. Et en fait, ils n'ont pas réinventé la roue. On parle d'un jeu beat'em all comme à l'époque, un soldat sur homme qui tue 500 ou des milliers de soldats à lui tout seul, avec des super ennemis généraux ou seigneurs pas tuables, parce qu'ils sont des guerriers épiques. Mais c'est un peu dur de se réinventer dans ce style de jeu-là. Effectivement, mais ils ont réussi à faire une belle petite job avec le Dynasty Warriors 7, en fait. Je vais expliquer un peu l'historique. Ça leur a pris 7 numéros pour le trouver? Non, mais en fait, Dynasty Warriors, au début, avait quand même marqué assez fort, parce que dans le fond, quand ça avait sorti sur les premières consoles, ça révolutionnait pour la quantité d'unités et d'éléments dans le jeu qui étaient visibles. Par contre, le problème, c'est que Koei n'ont jamais essayé d'aller plus loin au niveau de qu'est-ce que le jeu pouvait offrir. Vers le quatrième ou cinquième volet, ils ont commencé à faire des éditions qui s'appellent Empire, qui était tout simplement le même jeu, mais réédité avec un mode conquête, où l'on avait une carte comme à la risque, et on pouvait déplacer nos unités, conquérir des territoires, et dans le fond, les batailles se faisaient en temps réel, en battant du monde directement sur la carte. Ils ont peaufiné ce mode-là en faisant tout le temps des rééditions Empire, sauf que la seule chose que le monde y chialait, c'est que quand le jeu sortait, il n'y avait jamais ce mode-là. Fait que le monde, il l'achetait à plein prix, il passait l'histoire, il ressortait une édition généralement moins chère, plus complète. Fait que le monde, il trouvait ça plate. Donc, Koei ont corrigé ça, la version 7, ils ont fait un All-in Wonder, ça implique le mode conquête et le mode histoire. Chose que je trouve le fun au niveau du Dynasty Warrior Empire, Dynasty Warrior 7, c'est que le mode conquête, tout n'est pas débloqué. Dans le fond, quand on commence avec les personnages principaux de chacun des clans, parce qu'à savoir, ça se passe en Chine lors de la légende des trois royaumes. Donc, on a trois clans principaux qu'on peut jouer, le Wu, le Wei et le Shu, chacun avec leur spécialité. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a les personnages principaux qu'on peut jouer, mais on n'a pas les personnages secondaires, qui sont des fois, ma foi, très puissants, mais on les a pas au départ. Fait que pour ça, il faut jouer le story, dans le fond, qui est vraiment la légende au complet, et non pas un segment. Comme les histoires complètes, les chapitres précédents, on parle vraiment du début jusqu'à la fin de la légende. Et dans le fond, en les jouant, on débloque ainsi les personnages supplémentaires pour le mode conquête. Donc, moi, j'ai juste eu le temps de jouer à la mode histoire parce que j'ai pas débloqué tous les éléments du mode conquête. Mais, nouveauté qu'on fait au niveau de l'histoire, je dirais, c'est la narration. Quelque chose que Dynasty Warriors avait une lacune, c'est que généralement, il y avait des dialogues, mais jamais de cinématiques. Il y en avait un peu lors des combats, mais il n'y avait jamais vraiment une expérience cinématographique avec les Dynasty Warriors. Tandis que là, dans le set, ils ont vraiment pris la peine de mettre des cinématiques pour raconter l'histoire. Donc, on voit les cartes avec les personnages, avec une narration. Ensuite, on voit une cinématique au début et à la fin de chacun des combats pour rajouter de l'élément historique. Tous les personnages ont du voice acting, contrairement aux autres Dynasty Warriors. Et en même temps, ils ont peaufiné un peu les dialogues entre guerres. Donc, on peut parler vraiment à n'importe quel soldat dans le camp avant de commencer la bataille, savoir le pouls et les impressions du soldat. Et ensuite, on peut rentrer. Seule lacune, comme les Dynasty Warriors précédents, admettons qu'on se bat contre un ennemi, ils ont une bassine d'à peu près 5 ou 6 phrases pour dire « Ah, je vais te battre !» et « Oh non, j'ai perdu !» Fait que quand qu'on... Mais là, Andrew, c'est-tu un jeu de stratégie, un jeu de rôle? C'est... Non, ben comme je disais, c'est un jeu où on joue un personnage, on se promène dans une carte, il y a des milliers d'unités. Okay, et c'est un genre de Final Fantasy. C'est du hack and slash. Hack and slash. Okay. C'est un genre de Diablo. C'est un Diablo. Pas exactement. En fait, ça ressemble un peu à Ninja Turtle, Turtle in Time. OK. Mais en sans les plus... Sans les Tortues Ninja. Puis en 3D. Et en 3D, et plus élaboré, avec plus d'ennemis. OK. Mais c'est à peu près dans le même genre. T'es, on avance et on tue tout ce qui est devant nous. Et nous, tu parlais de l'ajout de cinématiques. Est-ce que c'est des cinématiques pour lesquelles on peut choisir des paroles, un peu comme ce que BioWare fait avec ces jeux, ou c'est vraiment une cinématique c'est là, qui c'est vraiment est faite une cinématique linéaire seulement? Parce que dans le fond, on n'a pas vraiment les possibilités de choisir, plus que ça suit une histoire. Mais t'sais, la légende des trois royaumes, t'sais, ça a été beaucoup romancé, donc c'est sûr, t'sais, c'est tout le temps épique. Les histoires, les guerriers étaient capables de tuer un chat cheval en le regardant quasiment, qu'est-ce qui est pas la réalité de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est vraiment romance, c'est vraiment l'histoire des trois royaumes, comme la légende qu'on peut acheter un roman et le lire. Dans le fond, c'est ça, sauf que toutes les batailles qu'on voit dans le roman, on les joue. C'est tout simplement ça. Fait que dans le fond, c'est la légende des trois royaumes racontée, mais dans une façon de jeu vidéo. Donc, ça permet de passer, dans le fond, cette légende-là. Comme si vous y étiez. Exactement. Et en plus, une autre chose qu'ils ont rajouté dans Dynasty Warriors 7, moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que je suis pas équipé pour, ils ont rajouté le 3D. Et d'après qu'est-ce que j'ai vu sur Internet, il paraîtrait que c'est convaincant. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais il paraîtrait que c'est un beau 3D. Permet d'avoir de la profondeur dans le champ de bataille et tous ces éléments-là. Moi, je trouve pas que c'est nécessaire, là, mais c'est une petite fonctionnalité qui est bien. Et on parle de graphiques retravaillés, possibilité de jouer en coop. Qu'est-ce qui est toujours le cas dans les Dynasty Warriors, sauf que là, on n'a plus besoin d'attendre qu'on ait un officier. On peut le faire au début. Et tu parles de coop à la maison, donc deux personnes sur le même divan, ou on parle de coop par Internet? Les deux façons. Les deux façons sont possibles. Internet ou en local avec écran séparé. Seule chose que je trouve un peu plate avec l'écran séparé, on peut pas l'ajuster sur la sens de la hauteur ou à l'horizontale, fait que c'est vraiment un écran coupé à l'horizontale. Dans le cas de Dynasty Warriors, c'est plate un peu parce que ça limite la distance qu'on peut voir. Ouais, mais on s'habitue, mais tu sais, c'est un peu désagréable. Mais beaucoup de jeux sont comme ça. Pour avoir joué avec une version Gundam avec Andrew du Dynasty Warriors, là. Ah non, c'est vraiment pas l'idéal. Toujours mieux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut que les deux aient le jeu à la maison, là. Mais ça reste que c'est l'idéal pour ce genre de jeu-là, pour que ça soit efficace surtout, là. Ben, j'ai toujours l'impression également, quand l'écran est coupé à l'horizontale, qu'on, justement, comme tu dis, on perd un champ de vision qu'on n'a pas, puis je sais pas, j'aime autant mieux l'avoir coupé à la verticale. Ça, vous en remarquerez que peu importe la grosseur de l'écran, là, que ce soit une 60, 32 ou 40 pouces là, d'écran, à chaque fois qu'on a un split screen comme ça, là, on a toujours l'impression qu'il nous manque un bout. Puis je perds tout dans ce temps-là, je vois plus rien, ça fait que j'aime mieux avoir mon écran au complet juste à moi. Je pense que le seul jeu qui pour lequel j'ai de la facilité à jouer avec l'écran coupé à l'horizontale, c'est un jeu comme Mario Kart. Je perds pas mon kart, c'est déjà ça. Pour le reste, là, je me trompe toujours entre le haut et le bas de l'écran, même si je sais que j'ai commencé en bas. Mais c'est ça. Sinon, au niveau de Dynasty Warriors, je vous dirais, si vous aimez le genre de jeu qu'on se casse pas la tête, on fait juste s'amuser à tuer des milliers de soldats dans un jeu de combat, et en même temps, si vous aimez la légende des trois royaumes, parce que moi, personnellement, je suis pas un fan de l'histoire de la Chine, mais cette légende-là, c'est quelque chose que j'aime bien dans le monde du jeu vidéo, c'est un jeu qui est un must à avoir. Surtout si vous aimez déjà la série Dynasty Warriors, à mon avis, c'est le chapitre le plus travaillé de Dynasty Warriors à date. Donc, je vous dis là, que c'est vraiment un must-have si vous êtes un fan de la série. Seule chose, par exemple, il est dur à trouver actuellement. Je ne sais pas s'il y a eu un problème d'approvisionnement au niveau là, du Canada. Je l'ai cherché, ma copie. J'ai fait à peu près 4-5 magasins avant de le trouver sur PlayStation 3. Et le prix n'est pas pareil partout. J'ai vu des places où il l'avait à 59,99 et des places qu'il l'avait à 64,99. Donc, il faut faire attention au niveau de la place où on la jette. Je vous dirais qu'actuellement, Archambault en a encore et quelques eBay Games. Trouvez-le. Si vous le voulez, cherchez-le. Excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ben, en même temps, un petit élément, quelque chose que vous avez sûrement entendu parler à travers les branches. Demain est un rêve, un moment d'attente que tout le monde ici de l'équipe Puissance Maximale sait que j'attendais avec impatience. Mortal Kombat sort demain. Vous avez remarqué la petite nuance avec la chanson. C'était pas voulu. Alors, c'est aucune demande de pression, hein, vraiment. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie un lien radio. Exactement. Donc, dans le fond, c'était... Si vous n'avez pas déjà pré-réservé votre copie, je vous le dis, si vous êtes un fan de Mortal Kombat ou d'un jeu de combat, c'est un must-buy. C'est vraiment un retour en force de Mortal Kombat. C'est vraiment le jeu de combat, à mon avis, qui va marquer mon 2011. Et si vous n'avez pas réservé de copie, faites-vous-en pas, il en restera encore demain. Mais probablement pas d'édition collectionneur. On verra. Ça sera le sujet de notre débat dans quelques minutes. Donc, Dynasty Warriors. Warriors 7, oui. Le numéro 7, il ne faut pas l'oublier. À l'improviste. Toujours une surprise de savoir qu'on a un concours aujourd'hui pour gagner une magnifique bande dessinée qui s'appelle Yuna. C'est le troisième. Ouais, c'est le troisième de la série. Ouais, mais c'est pas grave, vous trouvez les deux premiers. L'ombre de la Tarasque par La Montagne et Maï. Vraiment très bien illustré, là. C'est très, très beau. Ouais. C'est un dessin animé médiéval fantastique avec des noms de personnages un peu bizarres. C'est pas du Donjon Dragon nécessairement, même si c'est tous des humains. Il y a des sorciers, il y a de la magie. Donc, médiéval fantastique, c'est quand même intéressant. Scénario de Jacques Lamontagne et les dessins de, j'ai dit, Maï. Et donc, en plus de la BD, on en rallonge des posters de jeux, on rallonge des dés. Oui, donc, en voulez-vous? En voilà, 529-90-26, 529-90-26. Sinon, ben, on va écouter une pièce de musique qui s'intitule « Au cabaret » et c'est un chant à boire de Justine et Séverin. Chance, moi, on va vous faire une petite chanson. Santé! Hey, santé! À boire, je passe ma vie, toujours dispo, toujours content. La bouteille est ma bonne amie et je suis un amant constant. Au cabaret, j'attends l'aurore du vin, tel est l'heureux effet. La nuit souvent me trouve encore au cabaret. La nuit souvent me trouve encore au cabaret. Si frappé de quelques alarmes, mon cœur éprouve du chagrin. Soudain, on voit couler mes larmes, et ce sont des larmes de vin. Je bois à longue haleine du vin, tel est l'heureux effet. Le malheureux n'a plus de peine, n'a plus de peine au cabaret. Le malheureux n'a plus de peine, n'a plus de peine au cabaret. Si j'étais maître de la terre, tout homme serait vigneron. Au dieu d'amour toujours sincère, Bacchus serait mon cupidon. Je ne quitterais plus ma mère, car de la cour pour un juste arrêt, ferait du temple de Cythère, oui de Cythère, un cabaret. Ferait du temple de Cythère, oui de Cythère, un cabaret. Auteur qui courait vers la gloire, bien boire est le premier talent. Bacchus au temple de mémoire obtient toujours un premier rang. Un tonneau voilà mon Pégase, ma lyre un large robinet. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et nous sommes de retour en compagnie de Michael Michaud qui nous parle de manga aujourd'hui, manga historique. Oh oui! Cette semaine, je vous parle de Satsuma, l'honneur de ses samouraïs, du mangaka Hiroshi Hirata, et qui a été publié aux éditions Delcourt. C'est une œuvre qui est quand même... qui a été publié en fait la première fois au Japon en 1995. Ça fait quand même déjà un bon moment. Le but de la publication de ce manga-là, de la part du mangaka, c'est de faire connaître cet événement-là de l'histoire du Japon aux Japonais. Parce que ce qui s'est passé finalement, c'est des faits véridiques qui sont relatés. En fait, les gros événements qui sont relatés dans le manga sont véridiques, mais on va utiliser justement des événements romancés pour décrire les difficultés que les personnages, que les personnes ont vécues lors de ces événements-là. Donc, Satsuma, d'abord, Satsuma, c'est une ancienne province du Japon féodal, qui, si je me rappelle bien, est au sud du Japon. Et on se retrouve justement dans un contexte historique au 18e siècle, où on a Satsuma, une province qui est quand même assez pauvre, ennemie du shogun Tokugawa, en fait, du gouvernement. Ils sont ennemis, quand on dit ennemis, c'est tout le temps... C'est des rebelles, quoi. Pas officiellement. Ils sont pas officiellement ennemis parce qu'au Japon, à cette époque-là, on n'est pas ennemis officiellement à moins d'être en guerre. Et à cette époque-là, on est dans une époque de paix. Donc, tout le monde sait que les gens de la province de Satsuma n'aiment pas les Tokugawa. Tout le monde sait que les Tokugawa n'aiment pas les gens de Satsuma. Ce que les Tokugawa ont fait pour essayer de calmer un peu le jeu, c'est de marier des filles, des femmes de Satsuma avec des hommes Tokugawa pour essayer justement... Mais ça, c'est pas japonais, là. On a vu ça au Moyen-Âge. En Europe aussi, c'est de créer des liens de mariage comme ça pour essayer de calmer le jeu, créer des alliances diplomatiques avec ces mariages-là. Mais pour faire ça, malgré qu'ils ont fait ça, mais ils ont continué à quand même attaquer les Satsuma en augmentant des taxes, en leur demandant toujours plus de participation au gouvernement central. Ce qui arrive dans ce manga-là, c'est que vous avez la province de Satsuma qui est ordonnée par le gouvernement Tokugawa de participer à des travaux autour de rivières pour empêcher les rivières de déborder au printemps dans des provinces qui sont pas la leur. Et ça, aux frais des gens de Satsuma. Donc, vous avez des samouraïs, vous avez un gouvernement, un clan, finalement, qui gère cette province-là, qui doit payer de leur poche des travaux qui sont pas dans leur propre province. Ça, c'est sous ordre du gouvernement du shogunat. Donc, ils doivent se déplacer. Les samouraïs, d'ailleurs, c'est les samouraïs aussi, je pense... vous allez avoir des manœuvres aussi qui vont se déplacer de cette province-là, mais principalement des samouraïs qui doivent se déplacer là pour devenir des ouvriers et ainsi faire ces travaux-là. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le concept du samouraï, ben vous avez justement ces gens-là qui font partie d'une caste guerrière. Donc, leur rôle principal, c'est d'être pas des soldats, parce que des soldats, il peut avoir des paysans soldats, mais c'est vraiment la caste de guerriers, donc qui pouvaient avoir accès à des charges dans l'armée, qui étaient aussi payés par leur clan. Là, dans ton manga, ils se retrouvent à être des contremaîtres. C'est même pas des contremaîtres, ils deviennent des ouvriers. Les contremaîtres, c'est les fonctionnaires du shogunat qui vont être là, qui vont leur donner leurs ordres. Okay. Puis c'est dans les ordres que le shogunat a fait parvenir à ceux qui allaient héberger les samouraïs, mais il fallait les traiter comme des ouvriers. Donc c'est vraiment une insulte, quoi. C'est une des plus grandes insultes que vous pouvez faire à un samouraï. C'est que vous avez ça qui est en place, qui est comme un contexte assez difficile. Ça, c'est le contexte général du manga. Mais à travers le manga, vous avez plein de petits conflits qui vont s'installer entre des gens de Satsuma et les Tokugawa et les gens du shogunat, et aussi entre samouraïs de Satsuma, parce que vous avez... on explique aussi dans ce manga-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on explique le contexte culturel, le contexte historique et aussi un peu le fonctionnement des castes de samouraïs à l'époque. Surtout à Satsuma, parce qu'à Satsuma, le Bushido, le code du samouraï, était très, très, très, très, très respecté à la lettre. Il n'y avait pas place à une marge, à un peu de souplesse, pas du tout. Satsuma était reconnu pour ça. Puis aussi leur école de sabre, qui est l'école Jigen, qui a été reconnue comme étant une des écoles les plus dures, une des écoles de sabre les plus dures du Japon féodal. Mais on explique aussi que à l'intérieur de la caste de samouraï, de la caste des guerriers, il y a deux hiérarchies vraiment importantes. Vous avez les Goshi, qui sont les samouraïs de campagne. Donc, eux qui sont plus pauvres, qui doivent faire des métiers d'artisanat pour survivre. Malgré qu'à l'époque, il y avait beaucoup de métiers d'artisans qui étaient réservés à la classe des samouraïs. Mais il y en a qui étaient tellement pauvres qu'ils devaient faire autre chose, même aller aider les paysans dans les champs puis être payés en patates. Puis pour les Japonais à cette époque-là, manger des patates, c'est de la bouffe pour animaux, là. On mange pas ça. Donc, les samouraïs du château, eux, sont habituellement des vassaux directs du seigneur du clan, et ils vont habiter dans la périphérie du château du seigneur, et eux ont plus d'argent, ont des charges plus importantes, donc ils n'ont pas besoin de faire ce genre de travail-là. Et ils sont aussi hiérarchiquement plus hauts que les Goshi, donc ils peuvent les insulter, ils peuvent les attaquer, ils peuvent même les tuer, et sans vraiment avoir de punition. Ils n'avaient besoin que de faire une déclaration écrite. Bon, j'ai tué telle personne parce qu'il m'a insulté ou il m'a regardé croche, je lui ai donné un coup de sabre, il est mort. C'est un formulaire. C'est en plein ça. C'était vraiment remplir un formulaire pour dire pourquoi on l'avait tué. Donc, le manga débute avec c'est une tradition assez bizarre qui existait à Satsuma, qui s'appelle le Yemontori. En fait, ce qui consistait à une gang de samouraïs en armure. On faisait ça seulement en temps de paix à Satsuma pour recréer un peu la guerre, pour que les samouraïs gardent leur esprit guerrier, ça galvanise leur âme de guerrier. Ce qu'on faisait, là vous allez voir que c'est bizarre un peu, vous avez plein de samouraïs qui sont en armure, donc en mode guerre, parce qu'habituellement les samouraïs ils ne sont pas en armure s'ils sont pas sur un champ de bataille. Donc ils sont tous en armure à cheval, armés jusqu'aux dents. Vous avez des prisonniers qui sont condamnés à mort, qui vont défiler un après l'autre. Ils sont envoyés dans la mêlée, ils sont à un bout d'un terrain, puis ils doivent aller toucher un arbre. S'ils touchent à l'arbre, ils sont libérés, ils peuvent partir libres. Sauf que les samouraïs, leur but, c'est de prendre le gars, et c'est le premier qui obtient le foie du gars. du prisonnier en question. Puis les premières pages, Vincent a pu en voir oui. quelques-unes. Je me suis rendu justement au foie, là, oui. C'est assez graphique, je vous dirais, oui. là, s'il n'y a pas, y a pas de censure. C'est très, très, très... Ben, c'est ça. Ça pourquoi le foie? Aucune idée. Il l'explique pas dans le manga, mais malgré que le manga, à la fin de chaque tome, il y a beaucoup, beaucoup de notes historiques, d'explications sur certaines coutumes qu'on expose dans le manga. Mais ça, par exemple, le foie, on le sait pas. On sait que c'est très nourrissant, d'abord. Ouais, c'est ça, mais les Japonais n'étaient pas reconnus pour être cannibales. Non, parce c'est ça. Parce que Raiden, dans son finishing dans Mortal Kombat, il arrache le cœur. Bon. On revient toujours à Mortal Kombat. Bon, on parle quand même d'organes qui sont assez importants. Assez importants. Les organes vitaux. Mais de toute façon, dans les premières pages, le temps qu'ils réussissent à pogner le foie, ben, le gars, il est déjà mort depuis longtemps, puis il se dispute sa carcasse. Mais là, on parle juste d'un foie, hein, c'est ça? C'est le dernier ou... C'est le premier qui va obtenir le foie du prisonnier. Il va gagner cette manche-là parce qu'il peut avoir 4-5 prisonniers. Le dernier, ah, c'est ça, oui. C'est ça. Le dernier prisonnier qui va arriver pendant cette cérémonie-là, si on veut, cette pratique-là, va défier finalement le seigneur de la place parce qu'il l'a insulté. Puis on voit tout ce qui s'est passé pour en arriver là, qui va nous exposer justement cette différence entre les deux castes de samouraïs, les deux classes, si je peux dire, de samouraïs que je vous ai expliqué. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y en a un qui meurt dans la gang des Goshi, donc des mangeurs de patates, des samouraïs de campagne. Et ils s'en vont pour l'enterrer. Il y a une procession funéraire. Sauf que là, il y a des samouraïs du château qui vont passer à cheval. Il y en a un qui va recevoir un morceau de tissu blanc qu'un va traîner sur un poteau qui va avec la procession. Mais lui, pour se venger, parce qu'il... je tiens à dire qu'il a juste reçu un bout de tissu blanc dans la face, là. Ben, il va dégainer son sabre, va tuer le porteur, puis il va donner un coup de pied au cercueil pour l'envoyer dans la rivière. C'est que vous avez tous les samouraïs qui veulent se venger tout de suite. Ça fait que finalement, ils se retiennent, puis plus loin dans les pages, ils vont aller se venger pendant la nuit, parce qu'ils peuvent pas, s'ils les attaquent, ben, en plus d'eux d'être tués, ben, leur famille vont être attaqués aussi par les gens du seigneur. Donc, vous voyez que déjà, il va avoir ces compétitions-là, ces guerres-là intestines dans le clan. Puis en plus, ils vont devoir finalement devenir des ouvriers dans une autre province, ou même les paysans dans ces provinces-là vont les considérer comme des ouvriers. Juste pour retourner sur le Yemontori là, que tu parlais tantôt, je sais pas si ça a un lien, mais il paraîtrait que dans le dialecte Satsuma, ça signifie « saisir la chair puante ». Ouais, c'est en plein ça. Parce qu'en plus, à Satsuma, dans les différentes provinces du Japon, à cette époque-là, le dialecte japonais avait des différences marquantes, comme on sait en Sicile, par exemple, en Italie. Il y avait des dialectes, mais c'est la même chose au Japon. Puis effectivement, c'est ce que ça voulait dire. Donc, la chair puante, c'est des prisonniers, souvent des samouraïs qui ont été déshonorés, qu'on va condamner à bord. Donc, vous voyez un peu l'estime qu'ils en avaient. Côté esthétique... ceux qui sont pas habitués au manga, c'est assez dur. Les dessins sont grossiers, c'est des gros traits d'encre, mais c'est fait pour, ça vient servir un peu le côté historique, mais aussi le côté dur du message qui est porté, puis de ce que ces samouraïs-là ont dû endurer, parce que c'est pas évident. C'est pas juste une question d'honneur, parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, ben là, on va arrêter avec l'honneur. » Mais il faut comprendre que pour surtout les samouraïs de Satsuma, l'honneur, c'était tout. Il y en a qui pouvaient mourir de faim, mais qui iraient jamais mendier pour même une patate. Ils aimaient mieux mourir de faim, puis que leur famille meure de faim. C'est encore aussi ancré beaucoup dans la culture japonaise, l'honneur. Mais imaginez à cette époque-là, quand c'était un peu... c'était dans leur sang, Satsuma. Donc, il faut comprendre tout ce qui s'est passé. Puis c'est un peu ce que l'auteur a voulu faire. Donc, l'esthétique, c'est cru. On censure pas. C'est pour adultes. Ça, je tiens à le mentionner. Un manga historique pour adultes, parce qu'il y a des scènes très, très, très violentes. C'est un langage qui est utilisé qui peut être aussi très violent, puis très vulgaire. Il y a des scènes... Il y a des scènes où on dépeint des scènes sexuelles. Parce qu'imaginez, vous avez des samouraïs qui sont ouvriers. Ils sont 20 dans une, 10, 20 dans une cabane, puis ils n'ont pas de femme depuis. Ils vont être là pendant, je pense, plus d'un an. Donc, imaginez un peu ce qui peut arriver, là. Bon, ben. À un moment donné, il y a un bout dans le manga où les responsables de chantier vont payer des femmes pour qu'ils viennent voir les samouraïs. Puis là, on a un chapitre complet dans le manga où on va expliquer qu'il y a des samouraïs qui veulent protéger leurs femmes, puis ils veulent pas les partager avec les... parce que ça coûtait très cher. Donc, les responsables de chantier vont acheter une femme pour 20 hommes. Puis vous avez tout ce truc moral-là, les samouraïs, ce qu'ils ont vécu, puis aussi, justement, ce qui se passait à cette époque-là, que vous voyez qu'on voit clairement que la femme, dans ce contexte-là historique, était vraiment traitée comme une marchandise. Ça fait que c'est très, très, très cru, mais ça éclaire beaucoup, justement, sur le contexte historique de l'époque. Il y a beaucoup de références à la fin des tombes, ce qui nous apporte à aller nous informer ailleurs, dans d'autres sources, justement, côté historique, pour bien voir, finalement, que c'est très, très, très, très bien documenté. Malheureusement, ça arrête à 6 tombes. Il était supposé avoir d'autres tombes, mais c'est fini en 95 et le mangaka n'a pas poursuivi, malheureusement, pour des raisons qui me sont obscures encore aujourd'hui. Mais pour ma part, moi qui étais un grand amateur d'histoire du Japon et du manga, c'est une de mes bibles. Parce que c'est, on parle pas de personnages célèbres, mais on parle d'un contexte qui est près un peu, plus près un peu de la réalité de tous les jours de ces gens-là, du contexte. Puis on apprend aussi beaucoup sur les nuances des différentes classes et ce qui pouvait se passer à cette époque-là, quand on était confronté à ses supérieurs. C'est principalement basé là-dessus, sur la hiérarchie, puis ce qu'on doit faire justement face aux ordres de la hiérarchie. Donc, je considère que c'est un petit chef-d'œuvre du manga historique, qu'on appelle d'ailleurs le Jidai Mono. Ça, c'est le terme pour parler du manga historique et des pièces de théâtre historiques au Japon. Tu rappelles le nom du manga? Le nom est Satsuma, l'honneur de ses samouraïs. Le mangaka est Hiroshi Hirata et c'est édité aux éditions Delcourt. Merci beaucoup, Michael Michaud. Ça fait plaisir. Alors, on va aller écouter une pièce musicale, et puis là, je vais faire un petit anecdote. De ce temps-ci, je joue à Civilization 5, j'ai pogné le maudit virus addictif de ce jeu-là. Et puis là, je me suis rendu au niveau de difficulté le plus élevé, et là, j'ai réussi à vaincre une nation supérieure à la mienne grâce à l'énergie atomique et aux bombes nucléaires. On va écouter une pièce qui s'intitule « Atomic Power ». Vous êtes à puissance maximale. this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et nous sommes de retour sur les ondes de CKI. On va parler un peu d'actualité ou on va faire ça un petit peu plus tard? Allons-y pour l'actualité. Donc, des étudiants de l'Université de Michigan subissent un raid du FBI pour avoir fait du gold farming dans WoW. Du gold farming? Dans World of Warcraft. OK. Vous savez ce que c'est le gold farming? Dans le fond, c'est l'acte de d'accumuler des richesses, mais tu sais, en faisant des opérations répétitives et ennuyantes. Ouais. Là, genre d'affaires qui est pas vraiment le fun dans un jeu, normalement. Mais bon, ça peut quand même rapporter de l'argent. Parce que finalement, toutes les choses que tu produis dans le jeu, tu peux le vendre sur des commerces, sur des sites en ligne, exactement. Et donc, c'est la FBI, comme ça, qui ont raidé l'appartement de deux étudiants de l'Université du Michigan pour rechercher ce qu'ils appelaient des potentielles fraudes, des ventes frauduleuses ou des achats de monnaie virtuelle dans le jeu World of Warcraft. Alors, le FBI ajoute qu'il pense que les deux étudiants sont des terroristes qui font quelque chose dans World of Warcraft pour faire avancer un complot terroriste. Wow! Ben moi, j'ai toujours dit que World of Warcraft, il y avait quelque chose de pas net là-dedans. Ah, c'est clair qu'il y a des liens incroyables qui sont faits. Là. Moi, je vois tout ça. Là. Oui, absolument. On voit le terroriste. Les geeks, les gamers sont de grands terroristes dans l'âme. Ben oui, ils n'ont rien que ça à faire. Hein? Et les deux étudiants du Michigan donc ont eu plusieurs de leurs équipements qui ont été confisqués. On parle de laptops, de disques durs externes, d'ordinateurs, de jeux, de cartes de crédit, téléphones cellulaires, tout ça, tout a été saisi par la FBI. T'sais, les gars sont étudiants en informatique, puis perdent tous leurs moyens pour travailler. Ça va bien. Ça leur apprendra à jouer à World of Warcraft. Ah, regarde. Et ils ont ajouté, selon un des étudiants, je le cite, il a dit « La FBI pensait qu'on était impliqué dans une sorte de fraude. » Et je suis certain que c'est pas les bonnes personnes qui ont trouvé, c'est pas nous. Ils ont pris toutes nos affaires. Et ils disent qu'ils n'ont jamais joué à World of Warcraft. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé. Erreur sur la personne. Peut-être qu'ils se sont trompés. Il paraîtrait que les co-fédérales, la co-fédérale, selon les rapports de la co-fédérale, le FBI recherche les gens qui font du gold farming, en français, et il essaie de faire des liens avec le terrorisme. Parce que il pense que ça pourrait l'argent qui est récupéré via des jeux de comme World of Warcraft, ça peut permettre de financer des opérations terroristes. Alors ça serait un bon cover par exemple. Ouais, un blanchiment d'argent. Ouais. Moi, la mafia sicilienne aussi ça marcherait très bien. L'argent de l'argent. Donc la source c'est Computer World. Recherche. Saviez-vous que faire passer un courant électrique dans notre tête peut permettre d'améliorer nos performances dans un jeu vidéo? Ouais, peux-tu en dire un petit peu plus là-dessus? C'est une recherche d'une agence militaire états-unienne qui a réalisé qu'en faisant passer un courant électrique de faible densité à travers un cerveau peut permettre d'améliorer les performances cognitives de quelqu'un pour le faire améliorer leur performance dans les jeux vidéo. Et donc, par exemple, avec une pile 9 volts, donc une pile carrée, là, oui. On peut la plugger sur des éponges qui sont sur les tempes d'une personne et on fait passer le courant. Et les chercheurs ont fait le test en prenant une vingtaine de personnes, certaines personnes qui n'avaient pas leur. Qui avaient le courant qui passait à travers leur tête et d'autres personnes qui passaient moins de courant. Et les gens, ça a été déterminé selon les recherches que les gens dans qui passait un bon courant, le courant électrique à faible densité, dans le fond, l'équivalent d'une pile, leur performance dans le jeu vidéo, en l'occurrence de formation militaire, leur performance était améliorée grâce à l'énergie dégagée par la pile 9 volts. OK. Et est-ce qu'ils ont fait des liens aussi avec le fait que le cerveau est bien connecté ou pas? Mais moi, je me demande les effets à long terme que ça peut avoir. Ça, ils n'ont pas expliqué exactement, justement, les effets secondaires, peut-être, que ça pourrait avoir. Les gens ont signé une décharge. Oui, mais de toute façon, les soldats, leur espérance de vie est moindre, donc c'est moins grave si c'est exactement. Effectivement. De toute façon, leur vie ne leur appartient pas vraiment. C'est plus les forces armées à qui appartiennent leur corps et leur cerveau. Et donc, c'est une splendide de recherche de DARWA, qui est une agence de défense américaine. Et voilà. Donc, c'est des neuroscientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique qui ont conduit les tests. Et on vous invite à la maison de ne pas vous brancher sur une pile de 9 volts, même si ça peut peut-être potentiellement améliorer vos performances à Civilization 5 ou à Mortal Kombat. On vous suggère de vous brancher sur puissance maximale. Excellent. Donc, c'est maintenant l'heure du débat, parce que notre ami Andrew, ici autour de la table, il fait pas le tour de la table, mais en tout cas, il est ici avec nous autour de la table. Andrew est un fan de la précommande de jeux, et c'était sûr qu'il allait le faire avec Mortal Kombat, un titre qu'il attend depuis tant de temps. Moi, personnellement, j'en suis pas un. Je vais toujours chercher mes jeux la journée même, et il en reste toujours sur les tablettes. Alors, précommander ou ne pas précommander un jeu? Quels sont les avantages? Mesdames et messieurs, dans le coin gauche, Vicente. Je suis là. Et dans le coin droit, Leroux, Andrew. Alors, Andrew va commencer. Pourquoi faut-il précommander? Ben, parce que dans certains cas, certaines compagnies comme Atlus ou NES America vont sortir des jeux en lancement qui sont en quantité très limitée et viennent avec des artbooks ou des trames sonores ou encore d'autres éléments de collection qu'on ne peut pas avoir si on attend les rééditions suite au lancement du jeu. Ou encore, dans certains cas, c'est pas forcément le cas pour Mortal Kombat, parce que j'en ai aucune idée, mais certaines compagnies vont sortir des éditions de collectionneurs en quantité ultra limitée qu'on ne pourra pas forcément avoir si on ne le précommande pas. Comme exemple, si on va avec un jeu comme ça, Batman Arkham Asylum, il y a eu un ravitaillement qui n'était pas planifié, là, mais au début, quand le jeu venait de sortir en édition collectionneur où il venait avec le Batarang, c'était avec un saut d'authenticité, avec de quoi tu avais telle copie de Batman qui venait avec le Batarang. Donc pour n'importe quel fan, dans le fond, de Batman, c'était un must. Fallait qu'il y ait ce fameux accessoire de Batman, et c'était en quantité ultra limitée. Est-ce qu'à Québec, on a une population assez dense pour dire qu'on n'aura pas les copies d'un jeu, justement, qui est limité? Dans le cas de NES America et Atlus, oui, ça peut arriver, justement, qu'on ne pourra pas les versions. Un exemple comme ça, une série que j'ai travaillé fort pour avoir, parce que je ne les avais pas achetées lors du lancement, Atelier Iris, je n'ai été aucunement capable de mettre ma main sur les versions artbook ou trame sonore, parce que je ne les avais pas achetées au lancement. Donc ça, c'est un élément qui est plate. Je pense aussi à François, qui n'est pas François ici en studio, mais quelqu'un que je connaissais qui était le gérant du Microplay de Lévis à l'époque. Il a déjà... exactement, Vincent, tu sais c'est qui. Oui. Il avait demandé spécialement, en me laissant le numéro de téléphone, que si à un moment donné, je voulais vendre ma copie de Art on Helico 1, qui est un autre jeu par NES America, que j'ai la trame sonore et le artbook, il voulait spécialement que je l'appelle parce qu'il était incapable de mettre sa main sur une copie comme ça parce qu'il ne l'avait pas acheté au lancement. Ben, je tiens à dire qu'Andrew, en plus, à cet endroit-là, était un des clients les plus respectés. Il était sur la liste des bons clients, d'après ce que j'ai entendu dire. J'étais VIP. Ben, moi, si je comprends bien dans ton argumentation, c'est de dire, moi, je précommande parce que ce que je veux, c'est tous les goodies qui viennent avec. Le petit livre, la copie officielle avec le sceau dessus et toutes ces choses-là. Donc, toi, tu es vraiment un gamer qui est plus qu'un gamer. Ah, moi, j'ai passé au niveau collectionneur. T'es un pur geek collectionneur, vraiment. Collectionneur. Moi, vraiment, je finis pas toujours tous mes jeux. Je payerais pas nécessairement 120$ pour une copie de Mortal Kombat avec... J'avoue pareil que précommander Mortal Kombat puis de s'assurer d'avoir les deux supports à livre qui sont super bien détaillés, dont tu vas nous parler sûrement la semaine prochaine. Tu vas peut-être les amener en studio, prendre des photos, on va les mettre sur le site Internet. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que moi, je ne suis pas ce type de joueur-là. Vraiment, j'ai déjà précommandé un jeu, je me souviens plus lequel. juste pour te dire comment je l'ai oublié. Et j'étais sûr qu'il n'y en aurait pas. Je pense que c'était Oblivion. C'était un jeu de Bethesda. C'est certain que c'est Oblivion ou le dernier Fallout 3. Puis là, je me disais, il n'y en aura pas. J'arrive au magasin. Les tablettes sont pleines de ces jeux-là. Version originale, version du collectionneur, sans problème. Puis je me dis, bon, ça m'a donné quoi de précommander le jeu? Puis je pense qu'il n'y avait même pas de supplément qui venait avec. J'avoue, pareil, que parfois, certaines compagnies de distribution, certains magasins vont te donner des petits extras si tu précommandes. Ouais, ben comme GameSpot, exemple, qui donne le Fatality originel de Scorpion, qui, moi, personnellement, m'intéresse pas, mais tu sais que certaines personnes peuvent vraiment être attirées par ça. Mais effectivement, il y a des fois, comme Elle est Noire sur Amazon, il y a un costume supplémentaire qui est donné. Mais il y a un autre point aussi de la précommande que j'ai pas abordé parce que j'avais pas eu le flash, mais il y a certains cas aussi, c'est plus rare, où la précommande peut nous permettre d'économiser sur le jeu. Ah ouais? Je vais faire un exemple. Minecraft! Minecraft est en version bêta. On peut l'acheter. Oui. C'est une précommande puisque ce n'est pas la version release et elle coûte moins cher. Et c'est une licence à vie. Donc, dans le cas présent, Minecraft vaut la peine d'être acheté en version bêta puisqu'il va coûter moins cher. Donc, ça, c'est un exemple. Mais on parle de quelque chose que tu n'attendais pas vraiment, que tu as découvert. Oui, quelque chose que j'ai découvert, mais il y a certaines découvertes justement qu'on fait dans ce genre-là qu'on ne pense pas et qu'on découvre sur le moment qu'on peut précommander. Moi, personnellement, j'ai deux expériences de précommande. Une avec Neverwinter Nights 2, où j'étais très... parce que j'avais adoré le premier et je suis un gros fan de Donjons et Dragons. Je vais aller me la chercher. Dans le package, il y avait deux anneaux que j'ai encore. Un marqué Lawful Evil avec un l'œil de Neverwinter rouge. Et d'ailleurs, je les ai portés à la fin de semaine dernière quand on est allé jouer... quand on est allé à la fiesta ludique. Je me sentais très geek. Et l'autre, c'était marqué Lawful Good. Avec l'œil blanc. Tu peux pas mettre les deux en même temps, là, ça va exploser. Ouais, c'est ça. C'est que il y avait une belle petite carte, un artbook, puis tout. Mais moi, c'est parce que je voulais le jeu, je voulais être sûr qu'il allait en avoir, effectivement. Sauf que rentre chez nous, je me suis rendu compte que mon ordinateur ne supportait pas, il était rendu trop vieux. C'est qu'il a fallu que j'attende un mois avant de pouvoir choisir mon jeu, donc fail complet, mais de ma part. Mais ça valait, en tout cas, pour le prix, ça valait le même. En fait, c'était le même prix que l'édition que tout le monde pouvait s'acheter. Donc, moi, je trouvais que ça valait la peine. Et la deuxième fois, ça a été avec, à cause d'Andrew, qui m'a fait précommander War for Cybertron, jeu des Transformers, qui est un très bon jeu, d'ailleurs, pour les fans qui veulent shooter en tant qu'Optimus ou Megatron. C'est un must, c'est très bon. Mais il est bon, mais je trouve qu'il était un peu cher. Puis le bonus, c'était d'avoir un personnage supplémentaire. Moi, malheureusement, je trouve que souvent, c'est pas assez pour inciter à la précommande. C'est sûr que quand on est... Moi, je le dis à Andrew, c'est que si à un moment donné, je trouve un jeu en édition collectionneur précommande avec vraiment des bonus intéressants, comme celui de Mortal Kombat, là, je veux dire, c'est pas toujours des trucs du genre là. Un support à livre, ça peut être assez intéressant. Oui, c'est vrai. Puis qu'on aime la série en plus, quand c'est des beaux objets qui sont bien travaillés, souvent même il y en a des très beaux pour le puis le prix, ça vaut quand même la peine. Mais des personnages supplémentaires avec un code, c'est des trucs seulement virtuels, des vêtements supplémentaires, des costumes supplémentaires pour les personnages. Ouais. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Il y en a des gens qui veulent tout avoir. Il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour avoir des objets virtuels. Hein. Oh, mais on a juste à penser aux gens qui payent pour de l'argent justement dans World of Warcraft. Là. Il faut avoir atteint un certain niveau, soit de geekitude ou de vouloir vraiment progresser dans le jeu. Mais je trouve que dans la précommande, faut offrir des objets intéressants comme NES America, Atlus. Eux autres, ils ont des packages intéressants, ça vaut la peine. Mais moi je trouve que les éditeurs de jeux à ça sortent tellement de copies de leurs jeux là, pour un jeu qu'on veut standard, moi je trouve que ça vaut pas la peine. Au moins si la précommande nous permettait de l'avoir un ou deux jours à l'avance, là ce serait intéressant pour les impatients. Mais là sinon, on l'a en même temps que tout le monde, on s'assure de... Mais tu me fais penser, le fait que tu dis ça, aux États-Unis, Mortal Kombat, il y a des magasins que quand on le précommandait, ils l'avaient reçu en fin de semaine. Aux États-Unis, il y a eu un pre-release pour le monde qui avait pré-acheté le jeu, mais c'était au hasard. C'était le monde, mettons, qui avait acheté, précommandé le jeu. Ben, il y avait une chance d'avoir le jeu en pre-release pour jouer avant tout le monde. Puis aux États-Unis, il y a Cineplex Odeon aussi qui a fait une, qui a certains Cineplex Odeon qui ont fait une fin de semaine, venez au cinéma, jouez à Mortal Kombat, une séance de jeu. C'est une grosse campagne de marketing que Warner Bros. Avait faite, que j'ai trouvé très intéressant. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas ce genre d'événement-là au Canada. Ça serait le fun. Ouais, mais nous autres, à Québec, on ferme nos cinémas au centre-ville. Ça fait qu'on on est passé à Place Charest, là. C'est ça, là, on perd nos cinémas. Là. Mais ça serait vrai que ça serait le fun d'amener des trucs comme ça aussi au Canada, puis au Québec surtout. Mais ce que je retiens, en fin de compte, d'Andrew, je suis d'accord avec toi, Andrew, au niveau de la précommande. Quand tu as du matériel intéressant, puis du matériel là, tangible là, entre les mains, là, ça peut être vraiment bien. Puis c'est le seul jeu que j'ai précommandé, là, je me rappelle, c'est Oblivion. Puis c'est ça, j'avais commandé l'édition du collectionneur avec le petit livret, les petites médailles, puis tout ça. Bon. Je m'aperçois que je suis pas vraiment un collectionneur, que je suis pas geek à ce point-là, puis que à toutes les fois que je sors le disque du jeu, ben le livre tombe, puis je le ramasse, puis je le remets dans la boîte. Tu fais maudit livre. Ouais, en plein ça, à quoi qu'il me sert. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que bon, j'aime cette époque-là, j'aime le type de jeu que Bethesda avait fait à ce niveau-là. Ben, t'es juste un exemple, même le kit physique, là, des fois, qui vient avec, faut faire un exemple. Des fois, il y a des cas où ça vaut vraiment la peine, parce que c'est des éditions ultra limitées, comme quand je parlais de Batarang, que là, ils ont eu un déblocage de ressources ou quoi que ce soit, je sais pas d'où qu'il sort, mais tu avais vraiment un saut d'authenticité. Mais dans le cas, exemple de Halo 3, il avait sorti une édition légendaire avec un casque, dans le fond, de Halo. Tellement fait qu'on en trouve encore dans les eBay Games. Ben, c'est ça. Ça, c'en est un de trop. Mais ils se sont repris avec Halo Reach où on a des figurines peintes à la main. Et là, ils en ont sorti moins. Et là, on a un saut d'authenticité. Pianro, tu le possèdes, je l'ai vu, puis tu m'as dit le prix, ça valait vraiment la peine. Le buste avec les figurines, là, c'est superbe. Je suis pas un gros fan d'Halo, mais c'est magnifique, ça valait la peine. Ben, c'est certain que pour justement mettre un petit bibelot à quelque part, ça peut être intéressant, mais tu me fais penser à quelque chose qui n'est pas lié aux jeux vidéo, mais qui est relié un peu à Culture Geek. Vous vous souvenez de la fameuse sortie des Seigneurs des Anneaux en DVD, où à chaque sortie, on avait justement des bibelots reliés à chacun des numéros. On en retrouve encore. On va faire un tour, puis t'en retrouves encore des neufs sur certaines tablettes de magasins. J'en ai acheté un il y a 2 ans, ma copine, parce qu'elle avait vu la version du 3 avec la miniature Minas Tirith. Elle adore cette ville-là, parce que c'est une grosse fan de Tolkien. J'y ai acheté, puis le DVD, je l'ai donné. Mais il valait 10$, ça valait 60$ quand c'est sorti. C'est ça. Ils font le même coup aujourd'hui, hein, mais pas avec des objets. Mais ils ont sorti la version normale, là, la version longue. Ils ne refont en Blu-ray. Moi, je me dis, ils vont sortir juste la version longue en Blu-ray. Ben non, ils nous sortent la version normale en Blu-ray, puis là, dans pas long, là, au mois de septembre, je pense, ils vont nous sortir l'extended version en Blu-ray, s'il vous plaît. Là. Mais c'est plate parce qu'il y a du monde qui font pas attention, puis ils prennent vraiment les consommateurs pour des épées. Puis ça, dans le mode de la précommande, là, puis du bonus avec le DVD, ça, c'est dans le domaine du cinéma puis du jeu vidéo. Là. Moi, je trouve ça vraiment là, ridicule, puis je trouve ça plate pour le consommateur de se faire prendre pour un épée comme ça, quand ça vaut pas la peine, puis que ce qu'il y avait en bonus, ça vaut pas la peine. Excellent. Merci d'avoir participé à ce débat. On sera pas d'accord là-dessus. J'avoue, pareil, que tu as des très bons arguments. Peut-être beaucoup plus que ce que j'ai pu amener. Mais j'irai pas précommander. Puis demain, je vais aller chercher Mortal Kombat avec les 2 porte-livres. Et on s'en reparlera la semaine prochaine. OK, tu vas l'acheter pareil. Ouais, mais j'aurais pas précommandé. Et donc, c'est la fin de l'émission? Oui. Déjà, donc, puissance maximale qui se termine à l'instant. On salue les gens qui ont participé. En fin de compte, nous sommes tous en studio aujourd'hui. François Gécouillard, merci d'avoir été à la console, d'avoir fait l'actualité, d'être là pour nous à puissance maximale. Merci à toi, mon cher Vincent Landlois. Ça me fait plaisir. On remercie également Andrew, cet homme qui, demain, même à partir de minuit ce soir, réalisera son rêve, celui de posséder Mortal Kombat, le dernier numéro, dernier opus sur la PlayStation 3. Effectivement, ça m'a fait toujours plaisir de venir discuter de ça avec vous. Hey, c'est super, merci Andrew. Et merci Michael d'avoir été avec nous également. Très intéressant, la culture japonaise, j'en apprends tous les jours, à toutes les fois que tu es ici. Et je pense que je vais me mettre à lire une série de mangas à un moment donné, vraiment pour appelle-moi, pour je vais te donner des suggestions. Excellent, ben, merci beaucoup. Alors on vous dit à tous et à toutes, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. Et simplement pour vous rappeler que Sequoia est en situation d'urgence, vous pouvez appuyer la station en achetant une carte de membre, en le faisant par Internet au sequoiafm.org, en personne au 600 Côte d'Abraham, ou vous pouvez passer par téléphone 529-9026 avec carte de crédit, ça fonctionne très bien.